Bonsoir Paris. Ce putain de micro. Thank you. ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prince et son cheval. écrit comment un autre monde. Une disquette dans mon ordinateur.